Ce soir, nous recevons Bernard pour nous entretenir sur un sujet extrêmement intéressant. Être capable de lire au travers des idées, au travers des mots, et donc de lire la vibration. On parle souvent dans le développement d'une conscience dite vibratoire. Nous recevons donc Bernard de Montréal pour nous entretenir sur ce sujet. Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bernard, dans la dynamique d'un développement chez un individu, on se rend compte souvent que dans tout ce que vous avez parlé de ne pas croire, il devient extrêmement important de ne pas se laisser aspirer par les idéologies. On a d'ailleurs de ce temps-ci dans les journaux la preuve de ce point-là. Et il semblerait y avoir une sorte d'aboutissement dans cette capacité de lire à travers les idées qui est d'avoir une conscience vibratoire. Quel est le processus qui permet à un individu de ne plus se laisser manipuler par une idéologie et d'en arriver à travers la parole des gens, à travers l'écriture des gens, d'être capable de lire une vibration? Est-ce qu'il y a un processus, des étapes qu'un individu doit franchir pour saisir à travers les mots qu'il entend, à travers les mots qu'il lit, la vibration? Si on regarde l'homme, l'être humain depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, on voit que l'homme n'a pas d'identité. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec le problème de l'identité, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'identité. Avoir de l'identité, ça veut dire foncièrement ne pas être influençable. Mm-hmm. Et ne pas être influençable, c'est pas péjoratif dans ce sens que c'est pas parce qu'une personne n'est pas influençable qu'une personne n'est pas capable d'échange, d'écoute. Ça ne veut pas dire qu'une personne n'est pas capable d'établir des relations psychologiques par rapport à d'autres personnes. Ne pas être influençable, ça veut dire avoir un centre de gravité. Donc, être capable par soi de vivre sa propre réalité. Puis, des situations qui se passent dans le monde, comme celles qu'on vient d'entendre à la télévision dernièrement, qui encore confirment ce qu'on dit depuis des années, où les individus n'ont pas encore réalisé que l'influence, c'est mortel. Dans une société moderne, dans une société normale, dans une société qui est liée historiquement à des mouvements qui ont été sanctionnés par l'histoire, il n'y a pas tellement de problèmes. Mais quand une société ou quand des individus dans une société sont liés à des mouvements ou à des idéologies qui n'ont pas fait leur preuve, historiquement parlant, c'est très, très difficile pour l'individu de lire entre les lignes. C'est très difficile pour l'individu de maintenir sa centricité. Parce que, premièrement, il n'est pas protégé. Techniquement, on est protégé par l'histoire. Un type, par exemple, qui est catholique aujourd'hui, la religion catholique existe depuis 2000 ans, un type qui est catholique aujourd'hui, qui va à l'église le dimanche, ainsi de suite, il est protégé historiquement par un mouvement qui a, au cours de l'histoire, développé des grandes proportions, puis qui a démontré à l'homme que lui, en tant qu'individu, n'est pas perturbé par l'idéologie chrétienne. Mais quand on vient en contact avec de jeunes idéologies, ce qui est le cas maintenant dans le monde, de nouvelles religions, de nouvelles sectes, l'individu n'est pas dans une position psychologique, n'est pas dans un état mental psychique suffisamment avancé pour pouvoir voir à travers la forme. Donc à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que des individus se laissent influencer pour des raisons, pour des causes qui en apparence au début sont bonnes, mais qui avec le temps se dégénèrent, un petit peu comme le mouvement nazi en Allemagne par exemple. Et par contre, aujourd'hui, on est rendu dans un temps où les grandes structures politiques, les grandes structures idéologiques, les grands mouvements philosophiques ont pris un peu de recul. Et là, il y a un bourgeonnement de nouvelles cultures, des sous-cultures, des cultures marginales, des cultures parallèles, parce que il y a eu une grosse évolution psychologique depuis 40, 50 ans. Puis là, c'est rendu à un point où les individus ne peuvent plus traiter avec ces sous-cultures-là comme ils pouvaient par le passé traiter, un peu les yeux fermés, malgré qu'ils ont payé le prix pour. Il y a des millions de personnes qui ont payé le prix pour adhérer au communisme. Il y a des millions de personnes qui ont payé le prix pour avoir adhéré au nazisme, et ainsi de suite. Mais ça, c'était des cultures politiques. C'était lié à des courants philosophiques qui faisaient partie du 20e siècle. Mais aujourd'hui, on est rendu à un point où on a franchi le mur dans un sens de l'idéologie nationaliste, politique. Puis là, on rentre très rapidement dans une période où beaucoup de subcultures qui ne sont pas d'ordre politique, mais qui seront d'ordre religieux, spirituel, mystique, occulte, ésotérique et tout ça. Et si l'individu ne fait pas attention, dans le temps, dépendant des systèmes en voie d'évolution, si l'individu ne fait pas attention, éventuellement il sera aspiré par ces subcultures-là pour une raison simplement. Parce que ces cultures-là représentent d'abord un nouveau phénomène, dans ce sens que ces cultures-là épousent une sorte d'esprit ésotérique, occulte, difficile à mesurer. On peut mesurer le marxisme, on peut mesurer même le nazisme, mais c'est très très difficile de mesurer des courants de pensée occulte. Pourquoi? Parce que les individus qui traitent avec ces idées-là traite avec des plans occultes, qu'il en soit conscient ou non. Si, d'ailleurs, on entre maintenant là, réellement dans la compréhension profonde de l'occultisme, on entre dans une période où même des individus accéderont à une psychologie de ces plans-là, comme auparavant on avait une psychologie de l'homme purement social ou politique. Puis les individus vont se rendre compte que développer une psychologie de ces plans-là par rapport aux idéologies qui font partie de notre nourriture quotidienne, c'est pas évident. Ça peut être très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est occulte. Et souvent, et je le sais d'ailleurs, les gens qui sont à la tête de ces groupements-là ou de ces organismes-là ou de ces sectes-là ne sont pas nécessairement conscients de ce qui se passe. Ils ne connaissent pas les lois occultes de leur propre engendrement. Quand une personne traite au niveau politique, ça se comprend. Tu peux être pour, tu peux être contre, tu peux faire une comparaison avec des idées qui sont venues auparavant. C'est pas la même chose. Mais quand tu traites avec des idéologies qui sont fondamentalement ésotériques, occultes, l'individu qui est le point de départ, si vous voulez, de ces idées-là, n'est pas nécessairement au courant des mécanismes occultes qui sous-tendent sa conscience. C'est pour ça que j'ai déjà dit en public, puis c'est un record public, que quand je disais « des gens comme moi, ce sont des gens dangereux ». Donc, si je prends la peine de dire au public que des gens comme moi sommes des gens dangereux, ça veut dire que des gens qui travaillent, qui s'exécutent créativement par rapport à des plans parallèles, sont des gens dangereux. Pourquoi? Parce qu'en général, ils ne connaissent pas les lois de cause et d'effet, ne connaissent pas la source de l'information Et s'ils ne connaissent pas la source d'information, éventuellement, ça devient de la désinformation. Étant de la désinformation, ça magnétise, puis ça peut magnétiser très fortement un individu ou un groupe d'individus à un point où ça leur enlève totalement leur individualité. Et finalement, conséquemment, on a des phénomènes tels que ceux que la radio ou la télévision nous apportent dans les nouvelles. Donc, si des individus comme moi se présentent au public et disent, bon, ben écoutez, là, du monde comme nous autres, faut pas croire ça. Du monde comme nous autres, c'est dangereux parce que du monde comme nous autres ne savons pas nécessairement comment ça vient d'où nos idées. Comment est-ce que ça marche? C'est quoi la source de nos idées? Puis c'est pas des sources psychologiques. Ça peut être des sources qui sont réellement occultes. Ça peut être mélangé un petit peu avec du psychologique ou de l'ésotérisme ou des choses que les gens ont appris. Mais les gens ne connaissant pas les lois réellement psychiques de l'âme, éventuellement vivent des expériences qui perturbent l'individu et qui aussi perturbent la société. Et un jour, les individus vont être obligés de prendre au sérieux les propos qui sont mis à la disposition du public où on dit aux gens, « Bon, mais arrêtez de croire. Vous allez être obligés un jour d'arrêter de croire. » Parce qu'à partir du moment où vous croyez une personne, surtout des gens comme nous autres, qui peuvent facilement manipuler le monde, qui peuvent facilement magnétiser leur mental, si vous tombez sur des gens qui ne sont réellement pas dans leur identité et qui ne connaissent pas les lois occultes de tout ça, à ce moment-là, ben, vous êtes dans une situation éventuelle de danger, soit sur le plan psychologique, sur le plan psychique, ou même sur le plan matériel, comme on retrouve. Puis ça, c'est pas, il va en avoir d'autres, parce que ça fait partie des lois de l'astral. Il va en avoir d'autres. Et les gens vont se faire prendre parce que comme il a déjà été établi en 84, il existe dans le monde, sur le plan matériel, sur le plan psychique, il existe des lois occultes qui violent l'individualité de l'homme. Vous savez, quand un homme est dans son individualité, qui est plus influençable, à ce moment-là, c'est un individu qui représente dans un sens un danger aux forces occultes. Parce qu'un homme qui est dans son individualité, dans son intelligence, dans sa lumière, c'est un homme qui automatiquement va chercher à protéger l'homme contre ces plans-là. Et des individus dans le monde qui sont dans leur identité intégrale, il n'y en a pas beaucoup parce que ça fait partie d'un début de conscience sur la Terre. Ça fait partie d'un développement de conscience sur le plan matériel. Puis, avant que des individus connaissent réellement les lois occultes derrière leur mental, puis derrière toute leur fascination avec ce qu'on appelle les sciences ésotériques, il va y avoir de la casse. Mm-hmm. Puis, avec le temps, il y a des individus qui vont réaliser, qui vont comprendre, qui vont saisir parce que ça crée des chocs. Puis éventuellement, ces individus-là, bien, ils vont faire attention, puis ils vont réaliser que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Si vous croyez en des choses qui sont paranormales, si vous croyez dans des idées qui sont d'ordre messianique, si vous croyez dans des idées qui ont tendance à enlever l'homme du monde, à sortir l'homme du monde, à retirer l'homme de son travail, à retirer l'homme de sa famille, et ainsi de suite, à ce moment-là, vous êtes dans une situation de danger à long terme. Évidemment, il y a beaucoup de jeunes dans le monde qui évoluent, qui font de la recherche et qui apportent à la société ambiante des idéologies qui valent la peine d'être regardées, étudiées, approfondies. On peut pas prendre l'expérience de dernière minute qu'on a entendue à la télévision puis dire, bon, ben tous ces gens-là sont comme ça. Mais c'est important pour l'individu qui s'avance dans des terrains qui sont neufs, dans des terrains qui ne sont pas sanctionné par l'histoire, comme les grandes religions, par exemple. C'est très, très important pour l'individu de maintenir son individualité. Puis, c'est tellement grave. Si le gouvernement m'approchait pour ou des gens qui s'occupent de ce genre de d'études-là, m'approchaient pour réellement investiguer, c'est quoi les mécanismes? Comment est-ce qu'on peut identifier tôt, des mouvements de masse ou des mouvements de groupe qui peuvent venir éventuellement à ça? Ça me ferait plaisir de décrire des paramètres, parce que ils sont reconnaissables, ces paramètres-là. On les retrouve dans toutes ces explosions d'inconscience. On les retrouve dans tout ce désordre-là. Mais tant que je fonctionne comme individu puis que je ne travaille pas directement avec ces gens-là, ben à ce moment-là, je peux pas m'impliquer pour aider les gens à comprendre au niveau social, au niveau psychologique. Mais c'est très, très important que les individus comprennent que ça part tout de la croyance. Mm-hmm. Tu crois au Christ, tu crois à Sainte Vierge, tu crois à Saint-Joseph, pas de problème. À cause du fondement historique. Oui. À cause du fondement historique. Mm-hmm. Mais quand tu commences à aller au-delà de ça, puis tu rentres dans l'ésotérisme, tu rentres dans l'occultisme, ainsi de suite, tu rentres dans des champs de perception qui sont très vibrants, très astro, tu n'en as plus de référent. Si tu n'as pas de conscience vibratoire pour voir à travers la forme, tu n'en as plus de référent. Tu ne peux pas mesurer, tu ne peux pas juger. Donc, tu vis l'expérience, puis un jour, tu te retrouves dans une situation où tu dis, bon, j'ai vécu ça, puis ça m'a mené là. Ça se développe comment, une conscience vibratoire? Une conscience vibratoire, c'est... Vous savez, rien ne vient à l'homme facilement. L'homme n'entre pas dans son identité facilement. L'homme n'est pas intégral facilement. L'homme n'est pas dans son intelligence facile. Il n'y a rien de facile. Par contre, l'homme doit apprendre à se faire confiance. Les gens ne se font pas confiance. Si l'homme apprenait un petit peu à se faire confiance, puis un petit peu à se faire confiance, au lieu de faire confiance à d'autres individus, les gens arriveraient finalement, petit à petit, à développer une certaine conscience vibratoire. Mais non, les gens font confiance à un, puis font confiance à l'autre, puis font confiance. Puis tu peux pas te permettre de faire. Surtout dans le domaine de la science occulte, tu peux pas te permettre de faire confiance. Okay, maintenant, comment est-ce qu'on peut dépister de la confiance dans quelque chose qui est aussi abstrait que l'occulte? Vous, votre confiance dans l'invisible, elle vient d'où? Moi, j'ai pas de confiance dans l'invisible. C'est une façon de parler. On est parti du mot confiance. Non, je connais l'invisible, mais j'ai aucune confiance dans l'invisible. D'ailleurs, ça a toujours été la base de l'instruction que j'ai donnée. J'ai toujours dit les forces occultes, les forces de l'invisible. L'invisible a ses propres lois et c'est à l'homme éventuellement de démonter le système. C'est à l'homme de défaire ce que l'invisible a fait sur lui pour finalement en arriver à prendre le contrôle. Mais avant que l'homme prenne le contrôle de l'invisible, avant que l'homme soit réellement en contrôle donc de sa vie sur le plan matériel, il va falloir qu'il en arrive à réellement se déspiritualiser. Le problème, vous savez, la spiritualité qu'on exerce par rapport ou en relation avec des religions, ça c'est très bon. C'est une spiritualité, c'est bon pour le moral. Mais quand vous commencez à exercer de la spiritualité par rapport aux sciences occultes, à ce moment-là, vous entrez dans des terrains qui sont très, très vagues. Vous entrez dans des expériences en potentiel dont vous ne connaissez pas ni la naissance, ni la conclusion. Si une personne me disait, bon, M. Bernard, moi, je suis un homme très spirituel, je vais à l'oratoire Saint-Joseph à tous les dimanches, il n'y aura pas de problème. Ou je suis juif, puis je vais à ma synagogue, pas de problème. J'ai confiance en Dieu, pas de problème. Mais si une personne vient me voir et me dit, moi j'appartiens à un groupe ou à une secte et j'ai confiance ou je crois si, à ce moment-là, tu as un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas évaluer aujourd'hui, en général pour les gens, on ne peut pas évaluer la fondation de ces sciences-là. Mm-hmm. Et pour évaluer la fondation de ces sciences-là, ça prend une conscience vibratoire. Et si on a une conscience vibratoire, à ce moment-là, déjà, on a dépassé le cap de la croyance. Et à ce moment-là, on est capable, par soi-même, de d'établir les ce que j'appellerais les bornes philosophiques ou les bornes métaphysiques ou les bornes psychiques de ces notions-là. Mm-hmm. Vous savez, on parle aujourd'hui, on va dire par exemple, l'homme peut parler avec les morts. C'est pas évident à tout le monde qu'on peut parler avec les morts. Mm-hmm. Mais les gens qui peuvent parler avec les morts ou les gens qui sont capables de parler avec les morts, faut qu'ils soient réellement fortement culottés pour parler avec les morts. Sans ça, c'est les morts qui vont les déculoter. Mm-hmm. Donc, parler avec les morts, c'est comme parler avec des êtres qui sont dans des mondes dont les lois sont anti-hommes. Les sciences ésotériques, les sciences occultes, pour la majorité, sont des sciences qui ont été communiquées à l'homme à partir du plan astral. Ce ne sont pas des sciences qui ont été mises à la disposition de l'homme par l'homme en conscience vibratoire. Donc, à ce moment-là, quelle chance l'homme a-t-il lorsqu'il fait une recherche dans ce domaine-là, quelle chance a-t-il de pouvoir réellement faire la séparation de ce qui est réel contre ce qui est vrai ou faux? D'abord, aujourd'hui, on est encore piégé par le vrai ou le faux. Le faux, c'est évident, je l'ai déjà dit, le faux, c'est pas un problème. Mais le vrai, c'est pas évident. Allez dire à un témoin de Jéhovah qu'il n'y a pas dans la vérité. Hein? C'est pas évident. Donc, pour lui, il est dans la vérité. Pour un autre, il est dans la vérité. Donc, un jour, il va falloir que l'homme passe au-delà de la polarité du vrai et du faux et rentre dans le réel pour comprendre le vrai et le faux. Puis, pouvoir dire, le témoin de Jéhovah, cette religion-là, ça fait telle chose, ça sert à certains individus. Le catholicisme ou la chrétienté, ça sert à certains individus. Le protestantisme, ça sert à certains individus. Tous les hommes sont en voie d'évolution, à différentes échelles d'évolution. Donc, ils ont besoin des systèmes référendaires qui leur sont particuliers. Un bouddhiste, la même chose. Mm-hmm. Mais quand vous allez plus loin que ça, quand vous allez réellement dans le mental des choses, quand vous allez dans la communication avec les circuits universels, quand vous regardez, autrement dit, la vie mentale de l'homme à partir de plans qui ne font pas partie du monde de la mort, à ce moment-là, là, vous êtes équipé psychiquement, psychologiquement, pour faire le partage des choses pour l'homme, mais vous, en tant qu'individu, vous ne pouvez plus participer à cette conscience polarisée-là, qui est piégée par le vrai et le faux, ce qui fait partie de l'évolution progressive de l'histoire humaine. Donc, vous êtes dans un autre champ ou un autre plan de conscience. Mais à ce moment-là, vous êtes totalement individualisé. Mm-hmm. Vous n'êtes plus influençable. Donc, pour que l'homme en arrive à ça, il va être obligé de prendre conscience qu'il y a des principes de base en ce qui concerne la conscience vibratoire. Puis le principe fondamental, c'est la non-croyance. Puis c'est pas évident. Il y a des gens qui sont venus dans mes conférences, dans mes séminaires, qui me disent, que ça nous donne quoi de venir dans vos conférences si vous nous dites de ne pas croire? Mm-hmm. Fait que c'est pas évident pour l'homme. C'est parce que les gens, ceci, pas croire à un registre qui touche, exemple, l'occulte. Mais votre pas croire, ça s'applique autant à un projet d'affaires qui vous est proposé. Pas croire, c'est pas croire. Non, mais c'est ça que je vous dis. C'est quoi, pas croire, c'est pas croire. C'est pas se méfier. Ça n'a rien à faire avec se méfier. Pas croire, c'est pas croire. Mm-hmm. Vous pouvez me dire quelque chose, j'ai pas besoin de vous croire. Mm-hmm. Quelqu'un me dirait, une bonne business à te vendre. J'ai une bonne business à te vendre. Si je le crois, automatiquement, je suis dans une position de possible défaillance. Montre-moi ta business, parle-moi, amène-moi chez ton avocat, amène-moi chez ton comptable, on va regarder les chiffres, puis encore. Fait que si vous tombez dans les sciences occultes puis les sciences ésotériques, mais là, réellement, vous avez réellement avantage à pas croire. Puis les gens comprennent pas ça. Pourquoi? Parce que l'homme est fasciné par l'occulte. L'homme est fasciné par toutes ces sciences paranormales qui font pas partie du domaine de l'Église, qui font pas partie du domaine de la philosophie, qui fait partie des domaines des métaphysiques. Et pourquoi l'homme est fasciné? Parce que, probablement, les sociétés n'ont pas, pour toutes sortes de raisons explicables, n'ont pas jugé utile d'entrer dans ces domaines-là, parce que ce sont des domaines qui sont trop hermétiques. C'est fait pour un certain nombre d'individus qui ont la vibration ou la sensibilité ou le désir de réformation interne pour aller dans ce domaine-là. C'est pas tout le monde qui veut faire des grandes études au niveau mystique. Alors, à ce moment-là, ben, vous avez des grands vaisseaux, vous avez des petits vaisseaux. Vous avez des grands courants de pensée pour les masses, vous avez des courants de pensée qui sont beaucoup plus hermétiques. C'est comme dans le bouddhisme, vous avez le grand véhicule, vous avez le petit véhicule. Dans l'ésotérisme chrétien, vous avez l'exotérisme chrétien, des idées pour tout le monde. Mais dans l'ésotérisme chrétien, vous avez aussi l'ésotérisme très, très fermé que probablement certains jésuites étudient à la Curie de Rome. Donc, les idées dans le monde qui existent ne sont pas des idées pour tout le monde. La société n'est pas démocratiquement en équilibre. Mm-hmm. En réalité, dans le monde, il y a des êtres qui sont, on dirait qu'ils sont, ils sont faits pour des choses plus subtiles, d'autres plus subtiles, d'autres plus subtiles, d'autres plus subtiles, puis à la base, vous avez la masse. Donc, c'est la même chose en politique. Un homme d'État ou un homme qui travaille au niveau des systèmes de renseignement, c'est des choses en politique que le commun des mortels, même le journaliste, ne connaît pas. Il y a des journalistes qui se spécialisent dans des domaines de l'investigation, qui savent des choses que le profane des journalistes ne connaît pas. Alors, il y a une hiérarchie, il y a comme un dénivellement de la connaissance dans le monde. Mais alors, quand vous avez des individus qui vont amener de la connaissance, qui, dans un sens, fait partie des atmosphères un peu plus raréfiées de la connaissance, et qu'ils amènent ça dans la masse humaine, ils ont une grande responsabilité parce que déjà, s'ils n'ont pas le contrôle de ce qu'ils savent, s'ils n'ont pas réellement épuré leur propre conscience par rapport à ce qu'ils savent, à ce moment-là, ce sont des individus qui peuvent facilement magnétiser le profane, qui peuvent facilement fasciner le profane, et c'est là que le profane, lui, qui est habitué à des petites idées, là, de Adam et Ève qui mangent la pomme, puis Caïn puis Abel, là, à ce moment-là, ben lui, il veut savoir qu'est-ce que c'est, quelle sorte de pomme c'était, puis c'est à quoi Caïn et Abel, puis c'est quoi Adam. Alors là, il va aller plus loin. Fait que l'autre qui arrive d'ici, puis il dit, moi, je vais t'expliquer ça, moi, qu'est-ce que c'est Caïn et Abel. Si l'individu n'a pas réellement de conscience vibratoire, puis qui est astralisé, mais à ce moment-là, c'est là que vous avez des courants de conscience sociale à une petite échelle, que vous appelez des sectes, qui, éventuellement, si l'individu lui-même n'est réellement pas en garde contre lui-même, les autres vont automatiquement en être victimes. Alors, est-ce qu'on arrive à une... L'astral, quand je parle de l'astral, je parle des morts. Je parle des morts dans les bas plans de l'astral, comme je parle des morts dans les hauts plans de l'astral. L'astral ne veut pas que l'homme connaisse les secrets de sa genèse. L'astral ne veut pas que l'homme connaisse les lois de la vie, les lois de la mort, les lois de l'intelligence, les lois de l'invisible. L'astral ne le veut pas parce que ça fait partie de leur dominion. C'est de leur enlever le pouvoir. Donc, à partir du moment où l'homme commence un peu à se mettre le nez dans les choses qu'on appelle ésotériques, occultes, hermétiques, à partir du moment où l'homme commence à traiter avec l'astral, à ce moment-là, à un moment donné, il vient un point où il est mis en situation, et s'il n'est pas réellement intelligent, il se fait prendre. Regardez ce qui se passe avec les Ouija boards. C'est très dangereux, les Ouija boards. Vous avez des enfants de 12, 13 ans qui jouent avec des Ouija boards, puis les petits gars jouent avec ça, puis ils ont des réponses, puis effectivement, ils ont des réponses. Mais ça, c'est pour les entraîner, comme on dit toujours, on attire les mouches avec du miel. Alors, les petits gars, ils trouvent ça intéressant, mais j'ai toujours dit, c'est pas parce que ça marche que c'est réel. Puis les gens disent, ben oui, mais ça marche, fait que ça doit être vrai. L'information est juste. C'est simplement un mécanisme pour amener l'homme plus loin, et plus loin, et plus loin. Et si l'individu n'est pas réellement, si l'individu n'est pas protégé par d'autres individus pour le moment, ou si l'individu n'est pas capable de se protéger par lui-même, à ce moment-là, ben, on finit par ce qu'on finit. On a des individus qui sont amenés à se suicider à travers ça, parce que ça ouvre les centres d'énergie. Donc, en ce qui me concerne, les sciences ésotériques, les sciences occultes, puis tout ce qui est en dehors de la philosophie cartésienne, rationnelle, la psychologie cartésienne, et ainsi de suite, c'est dangereux. Donc, les gens qui vont dans ces domaines-là, c'est à leur propre risque. C'est à leur propre risque. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses là-dedans que auxquelles l'homme n'a pas accès. L'homme en arrivera à accéder à ces choses-là. Mais de son propre pouvoir. Un individu qui mène ses ouailles, si vous voulez, à la perte mortelle, c'est parce que lui-même croit ce qu'il vit. Il a été amené à croire par la strade. Donc, automatiquement, il ne peut pas protéger ses individus. Donc, c'est nécessaire, en public, aujourd'hui, que les individus qui traitent, si vous voulez, avec des données qui sont un peu plus à l'extérieur de ce que l'on connaît dans nos sociétés normales, que ces individus-là s'occupent de réellement faire comprendre à ceux avec lesquels ils sont en relation de l'importance de ne pas croire. Parce que la croyance, c'est la fondation psychologique du développement progressif de l'ego intellectuel. La croyance, c'est le mécanisme astral qui permet à ces forces-là, à travers différentes formes, certaines qui sont historiquement stabilisées. Bon, la croyance au Christ, la croyance à la Vierge, la croyance à Saint-Joseph, comme les gens le vivent, ou la croyance à n'importe quoi, dans ce domaine-là. Mais quand vous allez dans des domaines qui n'ont pas été sanctionnés par l'histoire, qui n'ont pas été, autrement dit, testés dans l'expérience de l'âme, l'homme ne peut pas se permettre de croire. Puis c'est là le danger. Si l'homme apprend à ne pas croire, là, il va avancer, puis il va avancer, puis il va avancer. Vous avez Steiner en 1920, 1930. Steiner, c'était un grand, grand voyant. Puis Steiner faisait des voyages astrales, des déplacements en astral. Puis à un certain moment donné, il a réalisé qu'il fallait qu'il arrête, parce qu'il est arrivé à un certain moment donné où c'était plus clair l'affaire. Ça, c'est un petit peu comme l'autre du 19e siècle qui disait, tu peux pas demander au monde des esprits de donner de la vérité. Le monde des esprits ne donnera jamais la vérité à l'homme parce que ça ne fait pas partie de leur mandat. Ça va contre les lois de leur monde. Donc, l'être humain est extrêmement naïf. D'ailleurs, c'est ça que je dis toujours, l'homme est réellement absolument ignorant. Et comme on est absolument ignorant, on ne peut pas se permettre de se plonger absolument dans des mouvements de conscience en évolution sans nous protéger individuellement pour en arriver finalement à avoir une conscience vibratoire. À partir du moment où tu as une conscience vibratoire, tu peux aller où tu veux. Tu peux rencontrer qui tu veux, tu peux traiter avec qui tu veux, mais tu as toujours ta lumière, parce que de la conscience vibratoire, c'est ta propre lumière. Ta propre lumière, ça devient ton référent personnel, ça devient ta protection, ainsi de suite. Mais tant que l'homme n'aura pas de conscience vibratoire, parce qu'il n'aura pas compris l'importance de ne pas croire, l'homme sera en danger sur la Terre, qu'il soit aux États-Unis, en France, en Suisse, aux Indes, l'homme sera en danger parce que l'astral devient de plus en plus fort. Aujourd'hui, on a de la musique subliminale, on a de la drogue dans cette affaire-là en Suisse. Là, il y a de la drogue mélangée là-dedans. Je voyais à la télévision là, la chambre, la salle qu'ils avaient. Ils avaient des miroirs dans toute la salle, des miroirs. Imagine-toi un type qui prend de la drogue qui est dans une salle avec des miroirs. Déjà de la drogue, je suppose que tu ne vois plus rien. Puis, vous savez, quand on était jeune, on allait au parc Balmont, au parc Belmont. Quand on rentrait dans la salle au miroir, ça nous prenait toute notre chance pour en sortir. Des fois, on paniquait. Alors, imaginez-vous un type qui prend de la cocaïne et qu'on plonge dans un environnement totalement fermé en miroir, puis un environnement qui est tapissé en rouge. Imaginez-vous ce que ça va au psychisme. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoute. Ça fait des années que je me bats, puis que je gueule, puis que je gueule, puis que je gueule, puis on dirait que plus je gueule, plus ça sort. Puis ça va continuer à sauter, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir, puis il y en a d'autres qui vont venir, puis il y en a d'autres qui vont venir. Les idées, bon, ça, c'est parler avec des mots. Les gens, évidemment, vont faire des conférences avec des mots. Les mots véhiculent évidemment des idées, mais véhiculent aussi une vibration. Bon, mais c'est ça le problème. C'est que les mots véhiculent une vibration, puis les gens sont sensibles, puis les gens sont sont réceptifs à la vibration. Vous savez, les gens qui sont, je dis toujours, des gens comme moi. Des gens comme moi sont des gens, on est des manipulateurs, on manipule, on a la vibration. Mm-hmm. On est des enchanteurs, on est des charmeurs, ainsi de suite. Bon, alors, cette capacité d'enchanter, de charmer, on l'a à différents niveaux. Moi, je suis probablement le pire de la gang. Puis, mais ce qui arrive, c'est que si vous êtes comme ça, il faut que vous sachiez réellement quoi vous faites avec ça. Ça, c'est comme un type qui fait du samouraï. Pas de problème, c'est pas le couteau qui est dangereux. C'est parce que si je passe le couteau au-dessus du nez, du moment que je contrôle la lame, no problem. Mais si je contrôle pas la lame, je risque de vous couper quelque chose. C'est la même chose avec la parole. Si l'homme n'est pas capable de contrôler la vibration puis n'est pas maître de sa vibration, à ce moment-là, on devient déjà dangereux parce que on n'est pas conscient des lois de conséquence. On n'est pas conscient du dommage. On n'est pas conscient des mots. On n'est pas conscient de qu'est-ce que ça crée un mot quand t'entends un mot puis tu parles à quelqu'un. Ça crée quoi dans son psychisme? Fait que si on n'est pas conscient de ça, la première chose qu'on sait, puis surtout parce qu'on est un petit peu possiblement différent de la masse en général, la première chose que tu sais, c'est qu'on on devient des messies. Tu commences à dire à quelqu'un, un petit gars de 12, 13, 14 ans, que t'es le messie, pourquoi tu ne croiras pas? Si t'es capable de manipuler, puis d'être enchanteur, puis d'y arriver avec des idées, tu vas te croire. Fait que tu te prends 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, continue. Fait que, il y a des paramètres. Un homme conscient, un homme qui est réellement dans son identité, peut travailler, peut faire ce qu'il a à faire. Mais étant dans son identité, il n'est pas intéressé à être perçu comme un messie ou whatever. Il n'est pas intéressé à prouver quoi que ce soit. Parce que l'ego est transparent. Sa conscience est désastralisée. Il n'est plus manipulé par l'astral. Il n'est plus manipulé par son propre astral. Fait que s'il n'est pas manipulé par son propre astral, la chance qu'il manipule l'homme astralement est neutre. Mais si l'homme est manipulé par son propre astral, puis qu'il a le verbe, puis qu'il a tout ça, puis qu'il est beau, puis qu'il est cute, puis tout ça, puis qu'il arrive en public, il est fait à l'os. Lui est fait à l'os, puis ceux qui le suivent sont faits à l'os. Fait qu'il va falloir un jour que le monde se réveille. Est-ce qu'on peut dire que celui qui parle est principal responsable? Celui qui parle est totalement responsable de ce qu'il dit. Surtout quand vous entrez dans l'occulte. Mm-hmm. Quand vous traitez avec la philosophie, quand vous traitez avec les religions, quand vous traitez avec la politique, c'est pas grave. Vous allez changer le monde. Mm-hmm. Bon, mais quand vous traitez occultement, quand vous traitez avec l'occulte, vous pouvez changer, vous ne changerez pas le monde. Vous allez penser que vous allez changer le monde, ça fait partie de votre complexe messianique, mais vous allez changer des individus. Puis vous pouvez amener des individus à leur perte, puis vous allez vous-même vous amener à votre perte parce que vous ne connaissez pas les lois de conséquence. Mm-hmm. Vous n'êtes pas conscient de votre propre astralité. Bon, disons qu'il y a une personne dans la salle qui vous écoute, qui dit, bon, ben là, j'ai déjà parlé, j'ai effectivement un certain charme quand je parle, je magnétise les gens. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur dans le coin, là. Bon, lève-toi là. Toi, là. Lui, là. Toi. Bon. Lève-le. Bon. Vous voyez, ce type-là, il paraît bien. Oui. Il y a une bonne prononciation, il y a une belle apparence. Vous prenez un gars comme ça, avec la gueule que j'ai, vous êtes fait à l'os. S'il n'est pas conscient de la vibration, des conséquences, de ce qu'il peut faire, si lui n'est pas conscient, il est fait à l'os. D'abord, vous le regardez physiquement, vous êtes déjà fait à l'os. Il est beau, toute mâche, les sourcils. 6 pieds 2, moi j'étais un petit cul de 5 pieds 4. Mais lui, il est 6 pieds 2. Il a tout pour être dangereux. Vous le regarderez d'ailleurs quand vous passez le proche. Là. Je vous dis ça par respect. Mais c'est un compliment que je fais dans le fond. Mais le point que je veux faire, le point que je veux faire, c'est qu'on est fascinant. Ouais. On est fasciné. C'est la forme qui fait ça. C'est la forme. Puis il faut un jour qu'on le comprenne, ça. Mm-hmm. Donc, ça vient à nous-mêmes. Il faut que, tu sais... Mais ça doit se lire, Bernard, une forme. Oh, tu sais, au-delà de la forme. Non. Ça se lit pas, ça se traverse pas. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, mais non. Ça se fait. Moi, je me rappelle quand vous êtes venu à mon séminaire en 1981-82, dans le temps, puis vous avez voulu faire de la télépathie avec moi dans la salle, pour voir comment est-ce que j'étais, là, comment pour me saisir un petit peu dans le temps. Là. Puis, pourquoi est-ce qu'on est demeuré ensemble, amis, depuis des années? Parce que j'ai toujours respecté votre individualité tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que vous n'êtes pas un homme qu'on englobe. Alors, j'ai toujours respecté votre individualité, j'ai toujours respecté votre intelligence, ainsi de suite. Puis c'est pour ça qu'on est ensemble. Puis c'est pour ça que, d'ailleurs, aujourd'hui, vous rendez un grand service à la société. Alors, si on n'a pas ça, des gens comme nous autres, qui sommes, qui parlons dans des registres, qui ne font pas partie de ce qu'on apprend à l'université, on a une très grande responsabilité par rapport à l'âme. Et c'est pour ça qu'en ce qui me concerne, puis je vais probablement le dire jusqu'à temps que ce soit nécessaire, que des gens comme nous autres, c'est des gens dangereux, puis des gens comme nous autres, dans la société, ça doit être surveillé, ça doit être réellement, comme vous l'avez fait avec moi, ou d'autres l'ont fait, ça doit être réellement surveillé, regardé, il faut que tu le regardes, es-tu consistant, le gars-là, c'est-tu consistant pendant des années d'affaires. Sans ça, ben, à ce moment-là, ben, on a des problèmes. Évidemment, les gens n'ont pas tous votre acumen, vous êtes un astrologue par profession, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui sont simples, il y a des gens qui sont moins simples, il y a des gens qui sont dans le professionnalisme social. Mais le problème demeure le même. Parce que c'est pas parce que vous êtes à l'université que vous n'êtes pas sujet à être magnétisé par ces sciences-là. La preuve, c'est que dans ces sociétés-là, vous avez tout ça de monde. Il y a des avocats, il y a des gens qui sont très, très bien éduqués, comme il y a des gens qui le sont moins. Alors, c'est une autre vibration. Puis les gens qui entrent dans ces domaines-là, c'est une grande, grande responsabilité. Puis on a une fascination interne avec ça. On aime faire ça. C'est intéressant faire ça. Ça nous donne comme un genre de statut faire ça. C'est très, très subtil faire ça. Fait que les gens qui viennent vers ou par rapport ou viennent en contact avec ce que moi j'appelle toujours des maîtres, là, des gourous, des gouzous, que les gens fassent attention, surtout au Québec, parce qu'au Québec, c'est une société très réceptive à tout ça. Dans la politique, on voit des hommes qui cherchent le pouvoir. Oui. Dans l'occulte, quel type de pouvoir que les êtres manipulent? Ça dépend des individus. Un individu dans l'occulte qui serait orgueilleux, vaniteux, et qui serait naturellement manipulateur, parce que dans le cul, quand tu rentres là-dedans, tu manipules, tu travailles avec des énergies. À ce moment-là, ça pourrait être un type très dangereux, parce que surtout s'il est beau, je parle pas de vous, là. Je parle d'un type qui paraît bien, là. Qu'est-ce qui va manipuler, c'est les femmes. Les femmes sont très, très, très, très... Oh, je vais vous dire une chose. Ça va être intéressant à faire. Vous savez que dans la magie noire, il y a toujours eu un lien entre la magie noire et la sexualité. Oui. Des rites sexuels, la sexualité. Dans l'occulte, quand vous avez un maître, il y a toujours beaucoup de relations entre le maître. Un maître s'entoure toujours, il y a toujours beaucoup de femmes. Mm-hmm. Beaucoup de femmes. Puis éventuellement, ça se fait pas tout de suite, ça. Éventuellement, il y a une relation, il y a une connexion quelque part. La femme, elle devient très, très, très... susceptible d'être absorbé dans un mouvement de conscience, pas que j'appelle même ça de conscience, dans un mouvement de manipulation occulte. Pourquoi? Parce que la femme est naïve. Pourquoi? Parce qu'il y a la sexualité qu'elle offre, qu'elle projette, ainsi de suite. Puis, donc, la sexualité rationalisée à toutes les sauces, devient un facteur, un élément de mesure. Le droit que le maître se donne d'avoir une sexualité avec tout son harem, si vous voulez, c'est un autre facteur. Il y a des paramètres, et ces paramètres-là sont universels. Vous les retrouvez dans beaucoup, beaucoup de sectes. Alors, il va falloir un jour que quelqu'un écrive un livre sur la psychologie des sectes, mais encore plus poussé que ce qui a été écrit. Pour que les gens réellement comprennent profondément les mécanismes astraux, pour qu'un jour des gens puissent réellement s'éveiller à la réalité dangereuse de l'astral derrière la forme. Mm-hmm. C'est pas la petite fille de 17 ans qui est cute, qui a les cheveux blancs, qui va être allumée. C'est la souffrance, les choses terribles qui se passent, finalement, qui vont l'allumer et qui vont faire voir ce qui se passe. Puis après ça, sa vie, elle peut être totalement mise à terre. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que la sexualité amène au maître en question? La sexualité, pour le maître, ça devient une façon pour lui d'établir l'allégeance avec ses... C'est comme ça qu'il établit ses alliances. Il établit ses alliances avec la sexualité. Puis c'est ça. Même s'il ne comprend pas, ouais, c'est ce qui se passe. C'est ça qui établit une autorité sur les hommes qui sont en contact ou en relation, disons, de couple avec ces femmes-là. C'est ça. OK. Fait que c'est sa façon d'avoir une autorité absolue sur les hommes et les femmes. Fait que si y a des relations sexuelles avec la femme, qui, elle, a un mari, il y a le contrôle de cela. Mm-hmm. À travers la femme. Pourquoi? Parce que l'homme, lui, d'abord, il est assujetti au maître, puis en même temps, il est totalement spirituellement fraternel à l'idéologie occulte. Ça veut dire que le maître, lui, il est ici, puis eux autres sont ici, puis c'est comme eux autres servent le maître. Mmh. Fait qu'à ce moment-là, le couple, le petit couple, là, il devient serviteur du maître. Fait que le maître peut prendre sa femme quand tu veux, il n'y a rien là, fait que là, tu finis avec l'affaire du harem, puis tu finis avec le type. Qui perd tout son pouvoir, puis automatiquement, qui devient totalement infériorisé par rapport au maître, et qui devient éventuellement, qui peut devenir éventuellement un instrument de destruction pour le maître. Mm-hmm. Donc, ce petit gars-là, il peut devenir un jour un bodyguard ou un whatever, parce que vous avez toute la fallacie là, qui entre en jeu. Là. Fait que c'est grave. Est-ce que ça se reproduit, ces patterns-là, même au-delà de la sexualité? Si ça se reproduit au-delà de la sexualité. En ce sens qu'un individu qui a un pouvoir de parole, qui a un pouvoir de communication, en ayant ascendance sur la femme, sans sexualité, juste par le fait de sa parole, peut automatiquement avoir ascendance sur l'homme, qui est avec la femme. Oui, parce que à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la séduction, là, il tombe dans la séduction finale. La séduction finale dans tout ça, c'est la capacité de vibrer une énergie suffisamment forte pour que les individus, le couple, si vous voulez, vivent par rapport au maître une union mystique. Fait qu'à ce moment-là, s'il y a une union mystique entre le maître, si vous voulez, ou le gourou, je ne sais pas comment vous les appelez, et le couple, c'est réglé. L'affaire est faite et dans le sac. La façon dont vous parlez, il semblerait y avoir une affinité profonde entre la sexualité et la parole. Il y a une affinité profonde entre la sexualité et la parole, parce que la parole, c'est à ces niveaux-là. Là. La parole, à un certain moment donné, est totalement régie par les lois du mensonge cosmique, et à ce moment-là, le vrai, ce qu'on appelle le vrai, autrement dit, ce qu'on appelle le vrai dans une société qui est consensuelle, le consensus social, il brille. Donc, un type qui est rendu à un certain niveau vibratoire est capable de faire du vrai le faux et faire du faux le vrai. Parce que les barrières psychologiques qui sont responsables pour la création de la crainte psychologique n'existent plus. Quand un homme n'a plus de crainte psychologique parce qu'il ne traite plus avec les hommes, il ne traite plus avec la société, parce qu'il traite avec des forces occultes, à ce moment-là, il devient une autre personne, il devient un autre personnage. Et à ce moment-là, les règles du jeu sont inversées. Donc, ce qui était vrai devient faux, ce qui était faux devient vrai. Donc là, vous entrez dans d'autres niveaux de manipulation, et ainsi de suite. Donc, ça prend une grande, grande, grande conscience mentale pour voir à travers ça et écraser, fracturer, neutraliser l'occulte en soi-même. Donc, il faut que l'homme soit arrivé à pouvoir réellement passer à travers sa propre conscience astrale pour rentrer dans sa conscience. Puis ça fait partie de l'évolution de la race racine. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. Ça fait partie de l'évolution future. Donc, c'est pas quelque chose pour demain matin. Donc, en attendant, on a avantage à faire attention. On semble vouloir, dans l'évolution de cette conscience-là, on semble vouloir une conscience vibratoire pour éviter d'être dominé. En grande partie, c'est ça. On veut éviter d'être dominé par l'impression. On veut éviter d'être dominé par des idéologies quelconques, dont sont des impressions. Et celui qui parle souvent veut dominer. Donc, celui qui écoute est toujours en situation dans un sens de protection ou de prudence ou de bouclier par rapport à la parole de l'autre. Où est-ce qu'on peut parler de respect? Dans le sens que quand est-ce que celui qui pense être dominé arrête de se méfier puis que l'autre arrête de vouloir? Il n'y a pas de respect chez l'homme. L'homme, éventuellement, quand l'homme aura du respect, ces problèmes-là n'existeront plus. Parce que le respect, ça fait partie de l'amour du mental. Mais tant que l'homme n'aura pas suffisamment de conscience, il ne pourra pas respecter. D'ailleurs, c'est pour ça que ça se produit, des choses comme ça. Parce qu'un homme qui respecte un homme ne va pas lui imposer de croyance. Il va parler avec, c'est que tu penses de ça. Mais il ne va pas lui imposer de croyance. C'est totalement non respecter une personne de lui imposer une croyance. Mm-hmm. Dans le cadre de l'ésotérisme, de l'occultisme. Est-ce qu'on peut parler d'appartenance, Bernard, quand on parle d'alliance d'esprit ou d'échange? Bon, en ce qui me concerne, l'être humain n'est pas... Il y a des phases d'évolution au niveau de ce qu'on appelle l'alliance, ainsi de suite. Mais l'être humain n'est pas prêt à réellement vivre ce que j'appelle l'alliance parce qu'il est encore trop astral. Il y a des gens qui vont créer des alliances ou vont créer des systèmes d'appartenance, mais si vous regardez le fond, il y a toujours un petit peu d'astralité. C'est peut-être pas évident pour l'homme en général, mais pour moi c'est évident. Il y a toujours un petit peu d'astralité. Puis il y a un petit peu... Fait que si les gens ne sont pas capables de corriger cette astralité-là par eux-mêmes, à ce moment-là, éventuellement, ça dégrade. Mm. Ça prend beaucoup, beaucoup de conscience pour réellement établir de l'alliance ou des alliances avec des hommes. Et cette conscience-là doit être basée sur un principe qui est fondamental pour l'être humain. C'est le respect absolu de son individualité. Mm. À ce moment-là, ben là, t'as une alliance. Là, t'as un allié. Mm. Sinon, c'est de l'appartenance. Sans ça, c'est de l'appartenance. C'est de l'appartenance. Vous appartenez à quelque chose. Puis tant que vous appartenez à quelque chose, mais vous ne vous appartenez pas à vous-même. Fait qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas parler d'alliance comme étant une saine solution à l'évolution sociale de la conscience humaine, mm-hmm. à ces niveaux-là. Donc, il y a toujours un risque. Donc, si je comprends bien, une personne qui est dominée, c'est une personne qui cherche une appartenance? Une personne qui est dominée, c'est une personne qui ne repousse pas l'appartenance. Qui ne repousse pas. Parce que temporairement, ça lui donne une sécurité, ça lui donne un oasis, ça lui donne un bénéfice quelconque. C'est très dur pour l'être humain d'être réellement, intégralement solitaire. Dans le sens d'être capable de vivre sa solitude sans subir psychologiquement de solitude. C'est très difficile. Ça prend beaucoup de centricité. Ça prend beaucoup de conscience. Ça prend une grande conscience vibratoire. Ça prend un centre de gravité très développé. Ça prend une diminution de la personnalité puis un agrandissement de la personne, donc de l'être, ainsi de suite. C'est pour ça que, en attendant, alors que ce processus-là est en évolution, l'homme doit être protégé. Les gens qui sont en public, les gens qui parlent, puis j'ai beaucoup d'expérience avec dans le monde occulte. Puis, je passe mon temps à vivre des déceptions. Pourquoi? Parce que je suis toujours bien pas pour aller à Radio-Canada et dire au monde arrêtez de croire. Mm-hmm. T'sais, les gens viennent à mes conférences parce qu'ils veulent. T'sais, bon. Fait que, mais c'est très dangereux. C'est très grave. Puis on dirait que ça m'affecte personnellement. Que les gens croient? Non, quand les gens croient et que les gens vivent ça, là, toutes ces histoires, puis il y a celle-là là, qui est grave, il y en a d'autres qui sont moins graves, ça m'affecte. Ma femme me dit souvent, ça m'affecte. Pourquoi? Parce que probablement que ça m'affecte parce que je sais tellement comment important c'est ça, de ne pas croire. Pour développer ta propre conscience vibratoire. Mm. Puis on est au Québec, tu sais, évidemment ça se passe tout partout dans le monde, mais on regarde le monde, puis on regarde l'humanité, puis on regarde ce qui se passe, puis c'est facile de dire, bon, il y a de la pollution dans le monde, il y a du crime, il y a du ci, puis il y a du ça, puis on s'en va vers quoi? Puis on réalise pas que l'esprit humain a beaucoup de ressources. C'est un petit peu comme C'était un petit peu comme le communisme en Allemagne, quand les communistes ont voulu rentrer en Allemagne pour renverser l'Allemagne, tu sais, ils ont réalisé que ça ne marchait pas en Allemagne. Aux États-Unis, ils ont développé les unions, tu sais. L'homme a des ressources. L'homme ne va pas se laisser abattre. Donc, à ce moment-là, mais c'est évident qu'il se passe des choses, ainsi de suite. Puis, là, c'est amplifié. Fait que tu commences à croire ça, c'est fait. Y a-t-il, Bernard, des tests au niveau occulte qui sont plus difficiles à traiter ou à composer? On est testé. Quand on s'en va dans une compagnie, on nous teste avec... On part d'un CV, curriculum vitae, puis c'est votre premier test d'acceptance. Après ça, vous avez différents tests qui vont lier votre permanence à l'entreprise. Mais quand on parle d'identité, on est testé, mais on n'a plus de vérificateur. Tant qu'on a une collectivité pour nous vérifier, nous autres, on parle, on a une vérification quand même du public, mais quand on est seul, vous parlez de solitude tout à l'heure, que c'était dur d'assumer une solitude, c'est que, ce qui est difficile souvent, c'est de se vérifier ou d'avoir des éléments pour se vérifier parce qu'on passe des tests là-dedans. OK. Il y a deux sortes de tests dans le culte qu'on peut passer. On peut passer un test par rapport à un maître ou une personne physique. Ou on peut passer un test par rapport à une entité astrale. Ou on peut passer un test par rapport à ce que j'appelle l'ajusteur de pensée ou de la source. Fait que tu as trois niveaux de test. Mm-hmm. Un homme qui passe un test par rapport à un maître, j'ai pas d'objection dans la mesure où le maître sait ce qui s'en va. Autrement dit, dans la mesure où le maître n'est pas trop astralisé. Je pense, par exemple, à Gurdjieff dans les années 30. Gurdjieff en a fait passer des tests à des individus en Europe, mais il savait ce qui s'en allait. Ça restait à un niveau réellement d'observation psychologique. Si un individu est en contact avec les forces astrales, à ce moment-là, s'il vit des tests, il n'en sortira pas, à moins d'avoir une lumière à l'arrière de lui. Il faut qu'il y ait de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, autrement dit, s'il n'y a pas d'intelligence, autrement dit, s'il n'y a pas trop de fractures dans sa personnalité, s'il n'est pas trop orgueilleux, tu sais, c'est très grave l'orgueil. Parce que l'astral peut se servir de l'orgueil. Quand je parle d'orgueil, là, je ne parle pas de l'orgueil intellectuel qu'on a quand on a un PhD à l'université. Là. Je parle de l'orgueil spirituel. Un homme qui a de l'orgueil spirituel, c'est plus dangereux que l'orgueil de trois doctorats à l'Université de Montréal. Mm-hmm. Puis ça se voit pas. Tu sais, un gars va à l'Université de Montréal, il a trois doctorats, il pète plus haut que le plancher, ou il pète, whatever. Ben, il a travaillé fort. Mm-hmm. Fait que tu dis, bon, mais le gars, il est orgueilleux, mais il a travaillé fort, il a fait 15 ans d'études, on y donne. Il a le droit d'être orgueilleux. Ça fait partie du profane de la connaissance. Mais quand un homme commence à être orgueilleux par rapport à l'occulte, par rapport à ce qu'il pense, par rapport à son contact avec des entités, parce que par rapport à un état de conscience que lui considère comme évolué, alors que ce n'est qu'un prélude à la science profonde des mystères. Là, à ce moment-là, ce type-là devient dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de translucidité dans son ego. Son ego est opaque. Fait que si ce type-là est orgueilleux, puis qu'il y a d'autres paramètres qui font partie de sa personnalité, puis vous venez en contact avec lui, ce type-là, il va facilement devenir un maître, puis il va facilement vous dominer, parce qu'il va toujours vouloir avoir raison. Mm-hmm. Puis il va vous menacer, mais je sais pas de quoi il peut vous menacer. Il peut vous menacer de du feu éternel, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'il peut vous menacer. Mm-hmm. Puis après ça, mais là, vous tombez à l'autre niveau, là, à ce moment-là, là, tu peux pas en avoir d'orgueil, parce que là, il y a trop de lumière. Tu vois la game, tu connais la game. Quand tu connais la game, là, tu es capable de sympathiser avec l'homme, tu es capable de vouloir dominer l'homme, tu es capable de vouloir respecter l'homme, tu es capable d'amener cette lumière-là sur le plan matériel pour que l'homme se réveille, puis que quand tu viens en contact avec l'astral ou des entités qui sont vibratoirement en syntonicité avec l'astral, que tu maintiennes ton identité. Moi, je peux pas en public parce que c'est pas mes affaires. je peux pas dire à l'homme, mais faites attention à ça, puis faites attention à ça, puis faites attention à ça, puis faites attention à ça. Mais j'écoute, l'autre fois, j'étais dans un restaurant, puis il y avait deux femmes qui parlaient d'un groupe dans la province du Québec. J'ai trouvé ça cute. Puis c'était un nouveau groupe, ça fait pas tellement longtemps qu'ils sont organisés ensemble. Puis c'est pas mal populaire. Puis la femme, il y a une petite femme qui disait à l'autre, elle disait, ouais, elle disait, elle était bien fine au début, mais là, ça commence à sentir le pouvoir. C'est classique, ça. C'est classique. Puis je vais vous donner un paramètre. C'est Hitler, quand il a commencé en 1932, c'était pas grave. C'est graduel que ça se fait. On commence toujours avec des bonnes idées et des bonnes intentions. Pour moi, là, la mesure du danger de l'occultisme dans la province de Québec, c'est si vous détectez du pouvoir chez l'individu. Si vous êtes capable de détecter du pouvoir là, à ce moment-là, là, faut que vous commenciez à réellement regarder.